Cœur de pierre ou d'artichaut? Timide ou joli cœur? Cet été, vous avez peut-être fait ces tests. Mais avez-vous fait le seul vrai test pour votre cœur? Celui qui évalue votre risque cardiovasculaire sur fedecardio.org. Savoir, c'est pouvoir agir. Et pour diminuer facilement votre risque en réduisant votre stress, retrouvez les conseils du professeur Helft, cardiologue, dans Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie. À retrouver sur toutes les plateformes et sur fedecardio.org. Si je prends un dernier rapport qui a été rédigé sous la responsabilité d'un magistrat de la Cour des comptes dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, ce magistrat estime qu'il y aurait de 52 000 à 82 000 nouveaux cas de cancer professionnel chaque année. Et je vous donne ces chiffres-là pour vous dire d'emblée qu'il y a une certaine cacophonie dans les données qu'on a de disponibles sur les cancers professionnels. Le dernier plan cancer, par exemple, estimait, lui, le nombre de cancers d'origine professionnelle entre 14 000 à 30 000. Et l'autre chose, c'est que on est tout le temps en train de moyenner, on va dire. Aujourd'hui, on estime, par exemple, que 11% des salariés en moyenne sont exposés à des cancérogènes. Bon, 11% c'est déjà beaucoup, hein. Mais quand on regarde de plus près, selon la catégorie socio-professionnelle par exemple, c'est plus d'un tiers des ouvriers qualifiés qui sont exposés à des cancérogènes. Et quand on regarde selon les secteurs d'activité, si on prend la réparation automobile, c'est 90% des ouvriers de la réparation automobile qui sont exposés à des cancérogènes. Donc vous voyez comment on peut diluer en quelque sorte le risque cancérogène professionnel. Établir le nombre exact de cancers professionnels en France est aussi difficile que de compter le nombre de manifestants dans une mobilisation. Entre les chiffres de la police et ceux des syndicats, on est un peu perdu. C'est pareil pour les cancers professionnels. Les plus optimistes parlent de 12 000 cas par an. Un récent rapport réalisé pour le Parlement estime entre 50 000 et 81 400 nouveaux cas chaque année. C'est la fourchette que retient Anne Marchand, sociologue et historienne qui parle ici. Elle est co-directrice du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis. Un chiffre, en revanche, fait consensus. Chaque année, seuls 1800 cas sont reconnus en maladie professionnelle. Un chiffre ridicule qui dissimule la responsabilité du travail dans l'épidémie de cancer. C'est un scandale discret qui s'opère à bas bruit. Il faut dire que le cancer professionnel peut survenir très longtemps après l'exposition aux substances toxiques. Ça n'a pas été le cas pour Julien Guillard, 40 ans, pour qui le surgissement de la maladie a été fulgurant. Cancer, la nouvelle ère. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douatte, réalisé par Anne de Pelchin. Épisode 2, maladie professionnelle, l'épidémie silencieuse. Mon histoire commence réellement dès le collège. J'avais fait un petit stage à côté de chez moi en troisième, un stage d'entreprise. Et ça m'avait bien plu de conduire des tracteurs. On m'a dit, va en agricole. Voilà. En apprentissage, en alternance. Ça va te plaire, le monde du travail et puis la nature. Donc je fonce, mais vraiment sans aucune notion agricole. Mes parents sont ouvriers et ma mère commerçante. Et je fais un BEP polyculture élevage en Sarthe. En alternance, et donc je participe à la vie de la ferme, et je participe aussi à l'épandage des produits phytosanitaires, des pesticides, la plupart du temps sans EPI, donc équipement de protection individuelle qui était vraiment adapté. C'était des gants en cuir, on n'avait pas de masque, encore moins de combinaison. Et puis je faisais une pratique qui était courante à l'époque et qui malheureusement l'est encore un peu aujourd'hui. C'était le jalonnage, c'est-à-dire qu'il faut absolument tracer les passages de pulvée, c'est-à-dire qu'il faut un humain pour indiquer à quel passage il faut passer en tracteur. Et du coup, moi, je le faisais à l'âge de 14-15 ans. Moi, j'étais dans la parcelle quand mon employeur pulvérisait. Maintenant, c'est vrai qu'à posteriori, on se dit, mais c'est dingue, mais à l'époque, il avait aussi son fils, sa femme, sa fille. Enfin, je pense pas qu'il le faisait consciemment en se disant, tiens, je vais mettre mon stagiaire, mon apprenti ou mes propres enfants en danger. Et il le faisait parce que c'était comme ça. Et voilà, on nettoyait la cuve, pareil, on se posait pas vraiment de questions. Donc moi, j'ai été formé comme ça durant ces deux années de BEP, sans même me poser la question de savoir est-ce que c'est dangereux, qu'est-ce que j'utilise, etc. Ça faisait partie du boulot, quoi. Comme quand on fait le plein du tracteur, moi je faisais le plein du pulvé. Il y avait quoi là-dedans? C'est ça aussi l'un des problèmes des victimes des pesticides, c'est que c'est très compliqué de savoir, en tout cas quand on est salarié, de savoir ce qu'on utilisait. On n'a pas accès aux factures, il faut les bidons, on les prend, on nous dit de mettre ça et on regarde pas vraiment. Et souvent on disait qu'on dosait au glope, c'est-à-dire que on versait dans le trou d'homme le produit où il y avait de l'eau, et au glope, c'est-à-dire que le bidon, quand vous le renversez, il prend de l'air et ça fait glope, glope. Allez, j'en remets un globe de plus parce que vaut mieux plus que moins et on se dit que ça va agir un peu plus. Donc voilà, c'était aussi l'époque hein, qui voulait qu'on mesurait pas beaucoup et c'était vraiment le tout début des on fait attention quoi. Mais j'ai eu mon BEP et je poursuis toujours en apprentissage, enfin en alternance chez un patron, mais là il y a plus du tout d'animaux, c'est que de la grande culture. Et bah je garde les mêmes pratiques parce que lui il a les mêmes. Tout va bien, j'utilise les produits phytosanitaires comme avant, comme on me les demande de les utiliser. Alors je me suis gratté la tête, savoir est-ce que durant ma scolarité, est-ce que j'ai eu des notions de risque, etc. J'ai pas souvenir. Alors si ça a été fait, ça m'a tellement peu marqué qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc là, pareil, hein, je fais des petits travaux que j'ai souvenir. Par exemple, on jetait des seaux de grains dans la bétonnière et puis on rajoutait cette poudre de traitement qui, à l'époque, c'était du gaucho. Hein, c'est un produit qui a été interdit depuis, mais c'était une poudre rouge qui enrobait les grains et du coup, c'était tout fait à l'air libre. C'est-à-dire que bon, pas de masque, pas de gants. Je mouchais rouge, je saignais un peu du nez. À la fin, j'avais un peu mal à la tête, mais c'était pas... Comme j'avais... aucune conscience du risque et qu'on me l'avait jamais vraiment inculqué, je me suis jamais posé la question. Ça m'est jamais venu à l'idée de réclamer quoi que ce soit. Puis mon patron le faisait pas, son fils le faisait pas, et donc du coup, bon, moi j'avais aucun intérêt et il y avait une bonne ambiance à réclamer des choses comme ça. Et tout s'est très très bien passé. J'ai vécu des belles années de formation agricole, ça m'a beaucoup plu. Et puis j'ai rencontré Sandrine. Donc ma compagne, qui est encore ma compagne aujourd'hui, j'avais 19 ans, et elle partait faire ses études à Strasbourg, et moi j'étais amoureux, donc je l'ai suivi là-bas, et j'ai eu du mal à trouver du travail en Alsace parce que je parlais pas alsacien. J'ai trouvé quand même un patron qui m'a finalement embauché dans le paysagisme, et bon, l'entretien c'est assez simple, hein. Vous avez une tondeuse, une débroussailleuse, puis vous allez couper de l'herbe, tailler des haies, et du coup... il y avait quand même quelque chose qui faisait partie du boulot qui était très récurrent. C'était faire propre les allées de jardin, faire propre les massifs. Alors quand on dit faire propre, ça veut dire pas de mauvaises herbes. Et il y a un produit qui est super, qui s'appelle le glyphosate, et qui fait ça formidablement bien. Et c'est moi qui m'en chargeais, parce que moi j'adorais faire ça. Et alors je pensais que j'avais de la chance à l'époque... de faire ça, parce qu'en plus à Strasbourg, en Alsace, il fait très chaud l'été, c'est une cuvette, c'est un climat qui est un peu plus continental que ici à Nantes, et du coup, comme il fait très chaud, et moi mon pulvé, il fuyait, et donc du coup, moi j'avais le t-shirt qui était tout le temps mouillé, au frais, et donc moi ça me plaisait bien en fait, donc j'ai jamais voulu lâcher ce travail. Et votre t-shirt était plein de Roundup en fait. Et oui, forcément, mon t-shirt était plein de Roundup, alors c'est pareil, hein. Sur le moment, on se pose aucune question. Moi, j'étais très content. J'avais des petits boutons dans le dos, des trucs, des machins, mais voilà, c'était pas grand-chose, ça me gênait pas, et tout allait bien, tout allait bien. J'ai balayé environ 10 ans d'agricole, entre 5 ans d'agriculture pure, c'est-à-dire grande culture, polyculture, élevage, et puis environ 5 ans de paysagiste, où j'ai manipulé, où j'étais en contact avec les produits phytosanitaires. Et puis Bordeaux, je passe mon permis poids lourd, je quitte le monde de agricole, je passe dans les travaux publics où je suis chauffeur routier et je transporte du caillou. Patrice Girardier, ancien technicien de maintenance nucléaire. Donc je suis rentré dans le nucléaire en 2013 par mon agence Sadeco. Auquel au début j'étais intérimaire, que je leur ai resté fidèle. Donc ils m'ont proposé de travailler dans le nucléaire. Pour moi, ça a été une aubaine. Je voyais ça comme un avenir, comme une garantie de l'emploi avec un avenir prometteur pour ma famille. Donc la première année, j'ai commencé à faire mes preuves. Dans cette première année, j'ai eu mon embauche. Mon travail, en fait, consistait à la base, c'était agent de logistique. C'est-à-dire, c'était rouler les chariots élévateurs, les ponts roulants, faire de la décontamination, s'occuper de tout ce qui était assistance de chantier, tout ce qu'on peut trouver en fait en logistique dans le nucléaire. Donc au cours de cette première année, les responsables m'ont fait confiance et m'ont affecté sur le chantier de Chaux, laquelle que j'ai géré un chantier. Ce chantier à Chaux, c'était sur tout ce qui était en fait la décontamination des cavernes, des particules alpha. L'ASN, ils ont demandé que toute la caverne soit déclassée alpha, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de particules alpha. C'est quoi l'ASN ? L'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire, c'est le gendarme du nucléaire si vous préférez. Et pour les particules alpha, en fait, c'est la plus toxique. Une fois qu'elle est dans l'organisme, ça brûle tout. Il n'y a plus rien qui l'arrête, en fait, jusqu'à temps qu'on l'évacue normalement. Quel sentiment vous aviez à l'époque en travaillant sur le risque que vous couriez et votre santé ? En fait, au tout début, en fait, quand je suis rentré dans le nucléaire, on a passé par des formations. Ces formations nous disaient comme quoi que le nucléaire, que c'était comme le naturel, qu'on prenait tous les ans, chaque individu prenait un millisievert, et que nous, en tant que travailleurs, on était bien protégés concernant ces expositions et qu'il n'y avait aucun risque pour la santé. Pour nous, comme le médecin du travail nous a dit, du moment qu'on portait notre masque à cartouche, qu'on pouvait être nu dans les particules alpha, il n'y avait aucun risque. Vous aviez confiance dans cette parole ? Oui, parce que aussi je vais être peut-être un peu naïf, mais oui, j'avais quand même confiance, parce que c'est comme des spécialistes, c'est comme des formateurs, c'est comme des médecins. À ce stade, on sait quand même qu'il y a quelques petites subtilités quand on nous fait sortir d'une activité, quand il y a les autorités de sûreté nucléaire qui sont là justement pour notre sécurité, pour aussi l'environnement. C'est la sûreté nucléaire quand même, c'est pas n'importe qui. Et qu'ils ne puissent pas accéder sur un chantier, à partir de là, ça m'a quand même éveillé quelques soupçons quand même des pratiques qu'il pouvait y avoir en centrale nucléaire. Mais bon, j'étais encore un peu naïf, je voulais mon évolution carrière. Et comme on m'a expliqué qu'il n'y avait aucun risque pour la santé, donc pour moi, je continuais dans ce déni, en fait. Et il y avait de l'argent ? Vous gagnez un salaire ? Le salaire, je gagnais, on va dire, mon salaire, c'était le SMIC, mais c'est tous les avantages qu'il y a à côté, c'est-à-dire le panier, le déplacement. Et là, comme j'étais en grand déplacement, j'avais un calendaire. Donc ce calendaire, il me tournait à ma paye par mois à peu près à 3 500, entre 3 500 et 4 000 euros par mois. Chose qu'on va dire qui est convenable, mais à côté, il faut enlever mes revenus pour nourrir ma femme et mes enfants d'un côté, et moi me nourrir de l'autre côté. Donc pour économiser au maximum, ce que je faisais, c'est que je montais à ma femme, que je disais que je dormais à l'hôtel, mais non. Je dormais dans mon véhicule, sur un parking non loin de Chaux, pour économiser au maximum, pour pouvoir faire plaisir quand je retrouvais ma famille le week-end. À la fin de ce chantier, j'ai reçu les félicitations du client. Tout le dépoussiérage, il a été fait. On a quand même retiré pas loin de 300 kilos de poussière, ce qui est énorme. Poussière nucléaire. Poussière radioactive, particules alpha, ce qui est énorme, énorme. 300 kilos, il faut les ramasser. Hein. Alors justement, vous écrivez qu'en toute légalité, 11% des salariés sont exposés à des substances cancérogènes. Qui sont les principales victimes ? Alors, 11%, c'est en moyenne. Anne Marchand, sociologue et historienne. Mais les principales victimes, quand on regarde bien, c'est 33% des ouvriers qualifiés. Donc, c'est majoritairement les ouvriers qualifiés qui sont touchés par ces expositions cancérogènes. Et après, il y a certains secteurs d'activité plus concernés que d'autres, notamment tous les emplois de la maintenance, de l'entretien, c'est-à-dire des emplois que beaucoup d'entreprises ont sous-traités, ont externalisés. Donc il y a aussi beaucoup d'études qui montrent comment la sous-traitance et le développement de la sous-traitance ont finalement construit une forme de sous-traitance des risques et d'externalisation des risques. On voit ça très clairement dans le bâtiment avec les phénomènes de sous-traitance en cascade, mais aussi beaucoup dans l'industrie. Tous ces postes de maintenance des machines, d'entretien, de nettoyage, le nettoyage aussi dans les bureaux, qui a été externalisé à des sociétés de ménage, toutes ces activités-là sont très exposantes, mais sont pratiquées par des personnes qui sont employées par des sociétés sous-traitantes, parfois sous-traitantes de sous-traitantes, dont on sait que les conditions de travail vont être les moins protégées et vont être les plus pénibles. Ça va être des secteurs d'activité où il va être le plus difficile de s'organiser collectivement pour améliorer ses conditions de travail. Qu'est-ce qu'une entreprise gagne à externaliser les risques ? Externaliser les risques, c'est éviter que lorsque va survenir un accident du travail ou une maladie professionnelle, cet accident, cette maladie lui soit imputée à elle, donc qu'elle en soit responsable aussi financièrement. Donc en fin 2014, tout se passe bien pour moi. On fait la fête de fin d'année avec les responsables. Les responsables sont fiers de moi. Je suis quelqu'un de ponctuel. Je veux continuer mon évolution carrière. Et en 2015, là nous sommes en 2015, mes responsables me disent « Écoute, Patrice, tu vas partir à Tricastin. » J'ai dit « Ok. » Donc je pars et là-bas, je devais faire justement tout ce qui était la pose de matelas de plomb. Le matelas de plomb, lui, va diviser par deux les rayonnements gamma. Sur les 6 semaines que je suis resté sur cette centrale, j'ai pris 5 millisieverts. Or que la dose annuelle est de 20 millisieverts sur 12 mois. Mais à ce moment-là, pour moi, comme on m'a dit en formation, mais 20 millisieverts, c'est rien pour un corps humain. Donc pour moi, je ne m'étais pas trop alerté. Mais bon, l'autre souci qu'il y a eu c'est énorme. Ça, je l'ai appris après, toujours après. Vous évoquez aussi dans votre travail un sentiment d'être collectivement protégé. Oui, c'est ce que j'ai perçu auprès des salariés ou anciens salariés que j'ai pu accompagner dans leur démarche d'accès au droit de la reconnaissance en maladie professionnelle. J'ai perçu qu'en fait, même parmi les personnes qui avaient les travaux les plus pénibles, qui étaient les plus contestataires, qui en voulaient le plus à leur patron, comme ils disent, ils avaient au fond d'eux la certitude que l'entreprise était quand même un espace maîtrisé et que, en dehors des accidents, il ne pouvait pas y avoir de circonstances par lesquelles, légalement, dans le travail ordinaire, ils pouvaient mettre leur vie en danger, c'est-à-dire être exposés à des cancérogènes. Et ça survient de plusieurs façons. La chose qui pourrait le faire le plus sourire, c'est par exemple des personnes qui m'expliquaient qu'on leur donnait du lait à boire. Et du coup, ils avaient l'idée que les litres de lait qu'on leur donnait à boire pouvaient vidanger en fait leur organisme, les nettoyer de la poussière. Beaucoup de personnes qui ont travaillé dans les années 80, mais y compris encore au début des années 2000, parlent de litres de lait qu'on leur donnait à boire. Et là, je travaille avec des collègues auprès d'apprentis, et notamment d'apprentis de la réparation automobile, qui sont exposés à des cancérogènes. Et certains d'entre eux parlent de yaourt nature à manger le soir. Donc c'est des choses qui restent quand même. On sait qu'on s'intoxique, qu'on s'empoisonne, entre guillemets, mais il pourrait exister des contrepoisons, comme le lait, les yaourts, etc. L'autre chose qui alimente un sentiment d'être protégé, ça peut être les équipements de protection individuelle. Si on a un équipement de protection individuelle, c'est qu'on fait un travail estimé dangereux pour la santé. Et paradoxalement, on va se croire protégé, se sentir protégé, alors même que de nombreux travaux montrent aussi que ces équipements de protection ne protègent pas entièrement, ne sont pas satisfaisants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dans l'actualité dernièrement des masques qui étaient déficients pour les désamianteurs, mais aussi des équipements sur les pesticides qui laissaient pénétrer les pesticides et les mettaient en contact avec la peau. Et puis, si on prend tous les systèmes, enfin tous les dispositifs qui peuvent laisser croire qu'on est protégé, j'ai aussi été très étonnée de découvrir que pour plusieurs salariés, le fait de relever de ce qu'on appelait la surveillance médicale renforcée, qu'on appelle aujourd'hui la surveillance individuelle renforcée, je crois, pouvait aussi laisser croire qu'on était protégé. Je me souviens d'un travailleur d'une industrie du graphite qui est décédé à 44 ans d'un cancer des poumons. Sa veuve me disait, il se mouchait noir, il crachait noir, lorsqu'il faisait les devoirs avec ses filles, les cahiers de ses filles étaient noirs, et je lui disais, change de travail, tu mets ta santé en danger, et lui me disait, t'inquiète pas, on me surveille médicalement. Et elle m'a dit une phrase que j'ai trouvée très forte, elle m'a dit, il pensait qu'on le protégeait, avec cette surveillance médicale, en fait, on l'endormait. Et dans le même ordre d'idée, il y a aussi les valeurs limites d'exposition. Ces valeurs limites, quand on regarde leur histoire, c'est aussi un compromis social, c'est une norme. Dans le cas des cancérogènes, il y a beaucoup de cancérogènes qui sont sans seuil, comme on appelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel il n'y a pas d'effet sur la santé. Et pourtant, comme dans le monde du travail, on a mis en place des valeurs limites d'exposition professionnelle, on peut penser que si on ne dépasse pas ces limites, on n'est pas en danger, alors qu'on l'est quand même. Et puis, en 2015, je rentre de vacances du mois d'août, là, septembre, et je suis pas en forme. Et je pensais que c'était la reprise, mais je me sens fatigué, je me sens essoufflé. Je commence à tousser la nuit, j'ai des suées nocturnes, mais pas des suées nocturnes classiques, c'est-à-dire que je suis en nage, comme si on sort de la douche, le lit trempé. Et puis vraiment, j'arrive plus à dormir sur le dos. Je dors sur mon fauteuil, assis. Alors bon, automédication, hein, voilà, un petit sirop pour la toux, une petite crème, bon, une toux à l'automne, bon, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Donc, et puis l'agriculture m'avait aussi inculqué ce truc de dire, bon, on va pas chez le toubib pour rien, quoi. On est un peu des durs, quoi. Je vais chez mon toubib, bon, une première fois, il me dit oui, bon, une petite toux, allez, un sirop un peu mieux, bon, elle y croit pas trop au sirop, mais dit ça, c'est normal, on arrive. Fin novembre, voilà, il y a toujours un truc qui traîne. J'avais Oscar qui avait 3 ans, il rentrait à l'école et c'est souvent dans ces premiers mois où les parents sont aussi beaucoup malades parce qu'ils ramènent pas mal de saloperies de l'école, hein, de petites maladies enfantines qui sont pas très graves. Et je traîne ça jusqu'au mois de février. Puis au mois de février, je suis obligé d'aller la voir, retourner voir mon médecin traitant parce que là, du coup, je suis malade, j'ai une gastro. Et je peux pas aller au travail. Et elle me dit, bah bon, allez, mettez-vous, allongez-vous sur la table. Et puis, je lui dis, c'est pas possible. Je peux pas m'allonger sur le dos parce que sinon je peux plus respirer. Bon, elle fronce un peu les yeux, elle m'ausculte. Et puis, elle voit que ça va pas. La tension, c'est pas très très bonne. J'étais pas en forme, fatigué. Je toussais énormément et ça durait maintenant depuis des mois. Donc elle me dit, faut aller faire une radio. Et rapidement. Ils me font passer la radio tout de suite. Et tout de suite, je vois qu'il y a quand même quelque chose parce que je sens une inquiétude, même par le manipulateur. Hein. Il n'est pas radiologue, mais bon, il en voit tous les jours, donc il sait ce qui se passe un peu. Et le radiologue vient, le médecin, et là, il me dit, bon, il faut retourner rapidement voir votre médecin traitant. Je vous ai calé un rendez-vous pour un scanner. Bon, je retourne voir mon médecin traitant, et puis là, elle me dit, bon, voilà, monsieur Guillard, je vous ai pris rendez-vous chez un... Non. C'est doc, je comprends pas. Alors, soit je le comprends pas, soit je veux pas l'entendre, ou soit elle l'a dit de façon tellement rapide que je l'ai pas compris. Enfin, en tout cas, elle me dit la spécialité de ce toubib, mais je comprends pas vraiment. Et vous lui faites pas répéter? Non. J'ai son nom, j'ai le rendez-vous, le lieu. Bon, c'est mon médecin traitant depuis des années, mais elle me met la main sur l'épaule et bon courage, monsieur Guillard. La journée se passe, et puis Google, un truc qu'il faut jamais faire, hein, mais je tape le nom du toubib, parce que finalement, sa spécialité m'intéresse, et puis elle est hématologue. Je me dis, c'est bizarre, moi je tousse, en fait. Donc je vois pas, ça doit être les poumons, je comprends pas, hématologue, c'est un peu bizarre. Et bon, là ça commence à travailler, elle me rappelle le soir, elle me dit, monsieur Guillard, prenez quand même un petit slip, un petit truc, parce que quand même, il y a un petit risque que vous soyez hospitalisé. Ah bon ? Oui, prenez des petites affaires. Bon, je me couche avec ça le soir, le lendemain matin, j'ai rendez-vous de bonne heure, hein, ça doit être 9h45 le rendez-vous, et à l'époque, Sandrine, elle était enceinte de Camille, hein, donc elle est enceinte de 7 mois, et donc je lui dis, bah, ça sert à rien que tu viennes avec moi, dans les tactés, rester assis pendant des plombes et tout, reste ici. Et puis Sandrine, cette phrase extraordinaire, elle dit, parce que bon, je commençais un peu à flipper, et elle me dit, oh ça va, t'as pas un cancer non plus. Et arrivé à 9h45 chez docteur Sado Le Bouvier, elle cache en direct, elle me dit, monsieur Guillard, vous avez un lymphome non Hodgkinien, LNH. Bah c'est un cancer du sang en fait, hein, si on veut généraliser le truc, c'est un cancer du sang. Tout de suite, elle me dit, écoutez, bon, j'ai 33 ans à l'époque, vous êtes malgré tout en bonne santé, donc bon, le traitement sera douloureux, mais logiquement, vous n'allez pas mourir. Bon, c'est quand même une sacrée claque, là, je ne sais plus vraiment où j'habite, je suis dans son bureau, je me revois encore, et elle m'enchaîne, elle me dit, monsieur Guillard, c'est pas une maladie qui est courante à votre âge, donc je veux savoir d'où est-ce que ça vient. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ? Et bah, j'étais ouvrier agricole, hein, donc je refais le speech, je déroule mon CV, quoi. Tout de suite, elle lève les yeux, elle me dit, mais vous avez utilisé des produits phytosanitaires ? Ah oui, et puis franchement, j'ai vu des reportages à la télévision sur des agriculteurs qui étaient tombés malades. Et je me suis toujours dit que j'avais de la chance. Bah, elle me dit très certainement, c'est ça qui vous a provoqué cette maladie. Donc ce jour-là, là, je crois que c'est le 4 février 2016, bah là, ma vie a basculé. L'employeur et même Jim Patrice, maintenant tu vas faire de l'assistance GV. Ok ? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est-à-dire, en fait, l'assistance GV, c'est que je vais devoir déshabiller une personne qui a mûri. Ah oui. C'est une tenue vraiment étanche que la personne, il y a de l'air dedans et il est gonflé, en fait, justement, pour se protéger de tout ce qui est contamination volumique. Nous sommes vraiment en zone orange, vraiment, qui est dosant. Au niveau des générateurs vapeur, c'est-à-dire les trappes sont vertes, les générateurs vapeur, si vous préférez, c'est dedans où c'est que tout se passe. Entre le circuit propre et le circuit sale, en fait, c'est là où ce que tout se passe. Et justement, quand on ouvre ce circuit-là, c'est vraiment très, très sale. Et c'est vraiment contaminé, volumique. Ce jour-là, voilà, je fais ma première relève. On vient me dire, ouais, les masques à cartouches, ils sont là. Mais le souci, c'est qu'on n'a qu'un masque pour tout le monde. OK ? C'est-à-dire, on devait se partager les masques. On a dit, oui, mais le souci, on les nettoie comment ? On vient me dire, bah, il y a les lingettes de type bébé, hein, les lingettes normales. On passe un coup dedans et puis après on le remet. D'accord, ok. On quitte l'activité, tout se passe sans aucun souci. On sort au portique C2. En fait, le portique C2, si vous préférez, c'est ce portique-là qu'on sort de zone contrôlée qui va nous déceler si on a de la contamination ou non sur nous. Il passe ce portique-là et justement, ben, il sonne et bip, bip, bip, bip, bip. Et contaminé à la tête. Donc moi j'ai peur, j'ai dit oula, qu'est-ce qui se passe, c'est contaminé à la tête, c'est quand même grave la tête. Du coup j'appelle directement mon responsable, je dis écoute, voilà, il vient de faire un C2 et il est contaminé à la tête. Et il vient, me dit putain, on est dans la merde, et il me raccroche. Oula, là j'ai commencé à me faire peur. Et il y a des collègues qui passent, pas de notre société à nous, mais d'une autre société, de notre concurrent, entre guillemets, qui est à l'époque Spiden. Viens me dire, sur cet assistant, vous avez des formations? J'ai quelle formation? Il me dit, c'est une formation qui est obligatoire. Je rappelle mon responsable, j'ai dit, écoute, là, il y a un petit problème, là. J'ai dit, apparemment, il faut une formation. Il me dit, mais non, il n'y a pas besoin de formation, tout ça, tout, ok. Donc là, ça m'a éveillé quelques soupçons. J'ai pris mon téléphone à la fin de mon poste, je suis rentré à la maison, j'ai appelé l'autorité de sûreté nucléaire, qui est le gendarme du nucléaire lui-même. Je l'appelle, je lui dis, écoutez, voilà, je voudrais avoir une petite question pour être assistant GV. Quelle formation qu'il faut ? Je dis, parce que moi, mon employeur, il me dit qu'avec le RP2, il y a besoin, mais d'après EDF, il faut aussi la formation Star 6, alors que je ne l'ai pas du tout. Mais elle me dit, ben, je vais me renseigner, je vous rappelle. Et je reçois un appel. Et elle me dit, monsieur Gérard Gier, après m'avoir renseigné dans le référentiel EDF, effectivement, il faut que vous ayez le Star 6 plus le RP2. Je dis, comment on fait ? Je dis, moi, je n'ai pas le Star 6. Je dis, est-ce que je peux poser mon droit de retrait ? Elle me dit, ouais, mais il faut que vous soyez face à un danger grave et imminent. J'ai dit, mais le danger grave et imminent, il est tout de suite, monsieur. Si je n'ai pas les bases de savoir comment déshabiller quelqu'un et que je le contamine, je mets sa santé en danger. Si je le contamine interne, et si on peut aller pousser plus loin la chose, je peux faire une dispersion de contamination dans tout le bâtiment réacteur. Et là, nous sommes quand même sur un danger grave et imminent. Il m'a dit, non, pour ça, il n'y a pas besoin de poser de droit de retrait. Donc, comme l'autorité de sûreté nucléaire, il ferme les yeux là-dessus, le SPR, il ferme les yeux là-dessus, ben, j'ai continué cette activité jusqu'au jour, ben, j'étais tout seul sur cette activité. Je le déshabille et je commence à ranger les chiffonnettes ou des choses comme ça, bien faire un bon petit repli dans le sas. Et d'un seul coup, ben, je perds connaissance et je sais pas combien de temps je suis resté dans ce sas inconscient. Donc, je me relève, je reprends mes esprits, je commence à sortir, mais j'étais vraiment vaseux. J'étais sorti comme ça, je crois que j'ai même pas enlevé mon masque, je pue. Et il y a eu un autre collègue qui m'a dit, ben, on va rentrer. J'ai dit, écoute, je suis entré, j'étais pas bien, j'ai fait un malaise. Et d'un seul coup, ben, je suis retombé dans ses bras, que lui, il a lancé l'alerte auprès du service médical, EDF, qu'ils sont venus me dégager du bâtiment réacteur. À l'infirmerie, ils m'ont pris ma tension, mes constantes, tout allait bien. Ils m'ont dit, ben écoute, monsieur, vous allez rentrer à la maison et demain, vous irez voir votre docteur. Ok, ben je fais que deux petits malaises, je suis rentré à la maison. Ma femme me dit, tu rentres du bonheur, je viens de faire deux malaises, pas de souci. Donc un mois plus tard, le médecin me reconvoque, le chirurgien vient me dire, bah, monsieur, vous avez un cancer de la thyroïde. D'accord. Je travaillais que 3 ans au nucléaire, avoir un cancer à 33 ans, c'est pas top. Il y a des cancers de la thyroïde dans votre famille? Non, non. Ni de problème de thyroïde, ni de cancer de la thyroïde, ni de tout ça. Le médecin du travail, en fait, comme j'étais suivi par un médecin du travail, pour lui, il n'y avait aucun doute, ça vient du nucléaire. Pour le médecin du traitant, pour lui, ça vient du nucléaire. Tout comme pour la CPM, pour eux, ça vient du nucléaire. Donc, pour moi, je dis, ben, ça vient du nucléaire, je monte mon dossier de maladie professionnelle. Il y aurait chaque année entre 50 000 et 80 000 nouveaux cas de cancer professionnel et dans le même temps, 1800 cas sont reconnus comme maladie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Pour voir son cancer reconnu en maladie professionnelle, si on s'en tient au site amélie.fr... Anne Marchand, sociologue et historienne. On peut penser qu'a priori c'est simple. En fait, il suffirait de remplir un formulaire de déclaration maladie professionnelle, d'y adjoindre un certificat médical initial en maladie professionnelle, des certificats de travail, de l'envoyer à sa caisse primaire d'assurance maladie si l'on dépend du régime général ou à son employeur si l'on dépend de la fonction publique, et puis d'attendre un certain nombre de mois d'instruction. Aujourd'hui, c'est 4 mois plus 4 mois au régime général. En vrai, c'est loin d'être aussi simple. C'est-à-dire que loin d'être un acte administratif, quand on s'engage dans une déclaration maladie professionnelle, on ne soupçonne pas le plus souvent qu'on entre dans un espace de conflit, et déjà dans un espace où il va falloir faire rentrer sa situation dans un cadre très étroit qui est celui des tableaux de maladie professionnelle. Ça se présente sous la forme d'un tableau avec 3 colonnes. Il y a une colonne où on désigne la maladie. Donc là, ça peut être cancer primitif bronchopulmonaire, par exemple. Il y a une colonne qui va préciser ce qu'on appelle le délai de prise en charge, et ce qu'on appelait au tout début des tableaux le délai de responsabilité, qui est un terme plus clair, c'est-à-dire jusque quand l'employeur ou la personne a été exposée au risque est responsable de cette maladie. Dans le cas des cancers, la maladie peut survenir jusqu'à 40 ans après les expositions, donc ce délai de prise en charge est de 40 ans. Dans cette deuxième colonne, il peut aussi y avoir une durée d'exposition, 10 ans par exemple. Et puis, dans la troisième colonne, on va avoir une liste indicative ou limitative d'activités. Donc si ma situation, ma configuration, correspond point pour point à tous les termes du tableau, je vais bénéficier de ce qu'on appelle la présomption d'origine professionnelle. C'est la garantie que je n'aurai rien à prouver des liens entre ma maladie et mon travail, puisque ce tableau fait office d'une reconnaissance d'une présomption d'origine professionnelle. Pour résumer, le tableau confère une forme d'automaticité, pas forcément évidente, mais en tout cas possible. Et dans les autres cas, comment ça se passe? Dans les autres cas, si ma situation s'éloigne un tout petit peu des termes des tableaux, c'est-à-dire si j'ai pas l'activité qui est mentionnée exactement dans cette colonne de droite, si j'ai pas exactement le délai de prise en charge, si j'ai pas exactement la durée d'exposition, à ce moment-là, je ne peux plus profiter de la présomption d'origine. Et il y a seulement depuis 1993 en France un système dit complémentaire qui permet quand même d'instruire les demandes de reconnaissance en maladie professionnelle, soit lorsque sa maladie ne correspond pas à tous les critères du tableau, soit lorsque sa maladie n'existe pas sur un tableau. Et là, c'est le parcours du combattant. Ben là, c'est quasiment... c'est très difficile. C'est très difficile pour plusieurs raisons, mais déjà une raison majeure, qui est que le cancer, comme beaucoup de maladies, est une maladie multifactorielle. Donc comment parvenir à prouver que le travail est directement et essentiellement le facteur du cancer? C'est quasiment impossible à prouver. Alors, les tableaux, il faut en dire un autre mot. C'est que ces tableaux-là, ils sont élaborés comment, par qui, où? Jusqu'en 2018, ils étaient élaborés au sein d'une commission spécialisée des maladies professionnelles qui est constituée des représentants de syndicats d'employeurs et des représentants de syndicats de salariés avec le ministère du Travail. Et donc ces tableaux sont le résultat, si on veut euphémiser, de compromis, de négociations. Si on veut pas euphémiser, c'est le résultat de rapports de force très crus. C'est-à-dire que quand on discute avec les représentants des syndicats de salariés dans cette commission, ils peuvent aller jusqu'à parler de négociations de marchands de tapis, où on va échanger un mot contre un autre, se dire que pour ouvrir la réparation à tel type d'activité, on va accepter que le délai de prise en charge soit réduit, etc., etc. Donc c'est un rapport de force extrêmement inégal qui s'exprime dans ces commissions-là et qui aboutit au tableau. Depuis 2018, il a été décidé de dissocier deux étapes dans la construction des tableaux et de confier la première étape, qui est celle de l'expertise scientifique, à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et la deuxième étape va continuer à se passer au sein de la commission spécialisée des maladies professionnelles. Donc là, ça va être une étape de négociation et de compromis social pour aboutir à la construction même des tableaux. Et donc dans ce cadre-là, nous, on est saisis par les pouvoirs publics en général. Henri Bastos, directeur scientifique santé et travail de l'ANSES. Pour la création d'un nouveau tableau, en tout cas pour avoir des données scientifiques, notamment sur le lien de causalité entre les expositions professionnelles et les pathologies, pour amener également des informations sur les travaux qui sont susceptibles de générer ces maladies. Et l'expertise qui est produite, elle est ensuite présentée dans les commissions de maladies professionnelles qui vont ensuite avoir des discussions de nature politique, sociale, économique, pour savoir s'il est pertinent de créer un tableau. Et ils vont fixer également les conditions. Et après avoir consulté ces commissions de maladies professionnelles, c'est quand même à l'État qu'il appartient de prendre le décret en Conseil d'État pour créer un nouveau tableau de maladies professionnelles. Alors, selon les chercheurs ou chercheuses qui travaillent sur le sujet, on parle de 20 000 à 50 000 cancers professionnels par an. C'est un chiffre difficile à établir. En tout cas, on parle de 1 800 cancers professionnels reconnus chaque année, ce qui est infinitésimal. Oui, aujourd'hui, on a à peu près cet ordre-là de entre 1 800 et un peu plus de 1 800 cancers reconnus, et essentiellement en fait en lien avec l'amiante. C'est 80% des cancers qui sont aujourd'hui reconnus dans le système de reconnaissance et de réparation des maladies professionnelles. Donc oui, il y a une sous-reconnaissance, une sous-déclaration des maladies professionnelles qui est établie. Elle est reconnue par les différents acteurs institutionnels. Et d'ailleurs, depuis la fin des années 90, il y a un reversement qui s'opère régulièrement dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale, un dispositif qui a été prévu par le Code de la sécurité sociale et qui permet le reversement du montant de la sous-déclaration de la branche accident du travail maladie professionnelle à la branche maladie, qui prend en fait en charge les cancers qui auraient dû normalement être pris en charge par le régime accident du travail et maladie professionnelle. Et chaque année, depuis maintenant 2 ou 3 ans, c'est environ un peu plus d'un milliard d'euros qui est reversé de la branche AT-MP vers la branche maladie au titre de cette sous-déclaration des maladies professionnelles. C'est acquis pour tout le monde que cette sous-déclaration existe, mais on va pas jusqu'à se dire que le thermomètre est cassé. Alors, effectivement, cette sous-reconnaissance, elle est établie. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de leviers qui ont été activés justement par les pouvoirs publics pour essayer de pallier à cette sous-déclaration, cette sous-reconnaissance. Et une des raisons qui explique, mais ce n'est pas la seule, il y a énormément de raisons qui expliquent la sous-reconnaissance et la sous-déclaration, mais une des raisons qui l'explique, c'est effectivement le retard qui est pris à la création de tableaux, qui n'est pas en accord avec l'évolution des connaissances scientifiques qu'on a. Et c'est aussi pour ça que le ministère du Travail a décidé de séparer la phase d'expertise scientifique de la phase de discussion politico-sociale entre les partenaires sociaux. Pourquoi ? Parce que ça a conduit assez rapidement à des situations de blocage, puisque d'un côté, vous avez les employeurs qui effectivement tentent de minimiser, de faire en sorte que les tableaux soient les plus restrictifs possibles, et de l'autre, effectivement, les représentants des salariés qui visent à essayer d'ouvrir les tableaux pour réparer, reconnaître le plus de salariés possible. Donc, pour résumer, en 2017, ben, j'ai un cancer de la thyroïde, j'ai fait les démarches de reconnaissance maladie professionnelle et aujourd'hui, en 2023, toujours pas reconnu en tant que maladie professionnelle, malgré que tous les éléments essentiels à ma pathologie sont là et on refuse de me la reconnaître. Ça me met en colère parce qu'en fait, moi, ce que je trouve, c'est le mensonge que j'ai eu jusqu'à présent. Ce qu'on me dit, vous allez travailler dans le nucléaire, certes, pour moi, je voyais ça comme un avenir prometteur. Mais au bout du compte, j'ai une maladie, je suis licencié, je perds tout, je me retrouve avec tout le temps avec des examens médicaux, avec un avenir incertain, parce que je ne sais pas combien que j'ai eu de doses en interne. Je ne sais pas du tout, j'ai déjà eu un cancer, je ne suis pas à l'abri de développer un autre cancer. Moi, je suis sur la sellette, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre encore, et qu'on me refuse de me reconnaître une maladie professionnelle. Or que 95% de cette maladie, c'est dû au rayonnement ionisant. Pour les spécialistes, pour tout le monde, pour le médecin du travail, pour mon médecin traitant, pour le médecin de la CPM, même pour mon endocrinologue qui me suit, pour elle aussi, c'est dû au nucléaire. Mais personne n'ose le dire, le marquer noir sur blanc. Personne. Et c'est ça qui me révolte. Parce que le souci, c'est que à travers tout ça, j'ai quand même eu des mouchages, j'ai quand même eu de la contamination interne qui m'a été cachée durant mes expositions. L'autorité de sûreté nucléaire, ils sont complices de tout ça. Je leur ai toujours expliqué de tout ça. Mais c'est ça qui me fout en colère. Cyril Cambon, avocat de Patrice Girardier. C'est fou parce que ça fait 5 ans que M. Girardier combat devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour faire reconnaître le caractère professionnel de son cancer de la thyroïde. On n'a pas d'autre explication que le nucléaire pour expliquer cela. D'ailleurs, Orano, son employeur, l'a licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, alors même que la maladie n'avait pas été reconnue. Et on se bat devant le pôle social du tribunal judiciaire depuis des années. Chaque fois, le pôle social du tribunal judiciaire mandate un nouveau comité régional de reconnaissance aux maladies professionnelles. Je crois qu'on est au troisième, qui chaque fois rend un avis négatif, mais chaque fois on fait annuler l'avis, notamment parce qu'on ne prend pas l'avis du médecin du travail qui, dans ce dossier, considère que la maladie a une origine professionnelle. Et ce qui est incompréhensible, c'est l'attitude de la Sécurité sociale qui combat la reconnaissance du caractère professionnel d'un cancer de la thyroïde, alors qu'elle a tout intérêt de reconnaître le caractère professionnel de ce cancer pour après retrouver auprès de l'employeur les cotisations correspondantes. Vous avez un exemple là d'une béance dans la reconnaissance ? Eh bien, par exemple, les gaz d'échappement aux fumées de diesel ont été reconnus par le CIRC comme des agents cancérigènes et ne font toujours pas l'objet de tableaux, les fumées de soudage, sur la base de nos travaux d'expertise qui montrent qu'il y a un lien de causalité entre le cancer du poumon ou le cancer du larynx et l'exposition à ces fumées de soudage. On a aussi la nécessité aujourd'hui de remettre à jour le tableau sur les expositions aux rayons X et aux rayons gamma, puisqu'il y a des nouvelles connaissances depuis la création de ce tableau qui commence à dater maintenant, des nouvelles données qui montrent que ces expositions aux rayons X et gamma peut provoquer un certain nombre de cancers, comme le cancer notamment des voies urinaires, le cancer du sein, etc. Donc, on a aujourd'hui des données dans la littérature scientifique, on a des rapports institutionnels. Il suffit de s'en saisir et de voir ce qui aujourd'hui revêt le caractère prioritaire en matière de création de tableaux de maladies professionnelles. Mais ça, il ne nous appartient pas d'en décider. C'est vraiment une décision des pouvoirs publics et des partenaires sociaux qui siègent dans ces commissions. Ce que vous décriviez dans votre thèse, Anne Marchand, c'est qu'il faut avoir la force et l'envie. Donc on est face à une difficulté majeure lorsqu'on rencontre soit la maladie dans son propre corps, mais qu'il y a aussi un parcours du combattant administrativo-juridique. Le parcours du combattant, c'est d'abord d'obtenir ce fameux certificat sans lequel on ne peut pas déclarer. Ce certificat, c'est une des obligations qui incombe au médecin, à tout médecin. Et on sait, on mesure, c'est mesuré d'ailleurs dans les rapports de cette fameuse loi de financement de la sécurité sociale, qu'une majorité du corps médical ne remplit pas cette obligation-là. L'une des raisons, si on est dans une approche un peu compréhensive de pourquoi ces médecins ne remplissent pas ces certificats, d'abord, ils sont très peu formés à ces questions-là. De mémoire, ils ont 9 heures en tout et pour tout, en moyenne, sur toute leur formation de médecin, sur ces questions de lien entre travail et santé. Et puis par ailleurs, ces médecins, qui sont peu formés au lien entre santé et travail, sont très formés au lien entre tabagisme, alcool, comportement individuel et santé. La plupart des personnes que j'ai accompagnées ont témoigné de leur lien avec leur médecin et des premières questions qui venaient, est-ce que vous fumiez, est-ce que vous buviez? Et parfois, face à des personnes exposées à l'amiante, je vous parle de l'amiante parce que c'est le cancérogène le plus médiatisé, le plus connu, le plus reconnu, des médecins allaient dire « oui, vous parlez de l'amiante, mais c'est pour vous déculpabiliser du tabac. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez fumé quand même ». Et quand on regarde les dossiers de médecine du travail de ces personnes que j'ai accompagnées atteintes de cancer, il y avait, mais à de très rares exceptions près, la mention d'une exposition cancérogène. En revanche, il pouvait y avoir la mention de « bois 2 verres de vin à midi, mange trop de sandwich, est déprimé, a fumé tant de paquets de cigarettes, etc. etc. » Et puis par ailleurs, en discutant avec surtout des médecins spécialistes, donc des urologues, des hématologues, des pneumologues, qui sont un peu plus formés au lien entre santé et travail parfois, eux vont dire « mais en fait, nous, on n'a pas le temps de faire ça ». J'ai eu beaucoup de témoignages de salariés ou d'anciens salariés retraités qui m'expliquaient qu'ils ont été consultés parce qu'ils toussaient, ils n'arrivaient pas à calmer leur toux ou ils avaient mal au dos et que jamais ne leur était prescrit un scanner qui est pourtant le seul dispositif d'investigation pour dépister un cancer du poumon. Et j'ai des témoignages où ce sont leurs épouses qui me disaient « j'ai accompagné mon mari chez le médecin » en disant « mais monsieur, je connais mon mari, il est dur au mal, c'est pas une chochotte ». Et ces femmes-là m'expliquaient qu'elles ont dû insister, taper du poing sur la table. Et je me souviens d'une épouse me dire « le médecin m'a prescrit des anxiolytiques en disant que finalement, je crée de l'anxiété auprès de mon époux, que c'était à moi de me calmer ». Et ça, effectivement, on peut se dire qu'il y a une résistance aussi à l'exploration, à déployer tout l'éventail des investigations. Et que face à quelqu'un qui tousse, on devrait lui demander « vous travaillez où ?» Julien Guillard, vice-président de l'association Phytovictimes. Tout de suite, elle me dit « bon, on va se mettre aux soins, il va falloir faire des chimios, il va falloir faire rapide ». Tout de suite, c'est elle qui me dit « il faut faire une déclaration en maladie professionnelle, ça ne sera pas accepté, mais il faut le faire pour les autres ». Bon, j'ai 33 ans, j'ai un petit garçon, Oscar, qui a 3 ans à l'époque, Sandrine enceinte jusqu'au cou 7 mois, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, que le traitement sera dur et que je vais certainement pas mourir, mais bon, voilà, c'était quand même... l'administratif, j'en avais un peu rien à faire à ce moment-là, je fais la batterie d'examen. Les premiers mois de chimio sont extrêmement douloureux, c'est vraiment une aventure. Ils appellent ça des cures, je peux vous dire que c'est pas une sinécure, c'est vraiment douloureux, c'est physique, c'était des nouveaux protocoles en plus en 2 jours, des piqûres, des enfin voilà, tout malade du cancer connaît et sait de quoi je parle, c'est violent et ça demande une certaine adaptation. Voilà, il faut se mettre dans le rythme de la chimio, des examens, du suivi, etc. Et j'oublie un peu cette notion administrative là de reconnaissance en maladie professionnelle. C'est un autre rendez-vous chez mon médecin traitant et elle remet une couche en me disant il faudrait le faire parce que c'est pas pour vous, mais il faudrait le faire pour les autres. C'est juste un papier à remplir et tout. Et en fait, c'est mon médecin qui me dit « Bon, allez, je vous fais le CMI, donc le certificat médical initial. » Donc, c'est ça qui déclenche la procédure. « Je vous le fais, puis vous en faites ce que vous voulez. » Et du coup, j'ai ce papier et puis je me dis « Allez, je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. C'est dégueulasse ce qui m'arrive, en fait. Moi, je suis malade à cause des pesticides. On m'a pas informé, on m'a pas dit. Et donc, du coup, il faut que ça remonte, cette histoire. » Et donc je me lance tout seul avec Légifrance en toile de fond et je lance la procédure administrative en juillet 2016 et j'ai été reconnu en maladie professionnelle le 19 avril 2017 Pourquoi je m'en souviens ? Parce que le 19 avril, bah, c'est le jour de mon anniversaire. Et du coup, c'est une date que je retiens doublement, parce que je me revois encore avec ce papier, là, reçu dans la boîte aux lettres, m'indiquant que j'avais été reconnu. Ça a été un moment d'émotion, ouais, parce que mon cancer était reconnu maladie professionnelle, j'en étais pas responsable. On va pas au travail pour se blesser, pour mourir ou pour attraper un cancer. Un autre facteur qui peut expliquer que les gens se sentent à l'abri au travail, c'est qu'il n'y a pas de... Ça ne fait pas scandale. Et ça ne fait pas scandale aussi parce qu'il n'y a pas de jugement, il y a certaine impunité judiciaire des employeurs. En fait, depuis la fin du 19e siècle, on a fait basculer la question des risques au travail, des accidents du travail, des maladies professionnelles, dans ce qu'on appelle un système assurantiel. C'est-à-dire qu'on les a sortis du droit commun, où avant il fallait aller devant un tribunal et réussir à faire la preuve de la culpabilité de son employeur, ce qui était difficile à faire. Et puis on n'est pas tous armés hein, en termes de ressources financières et de ressources de comprendre les règles du jeu judiciaire. Et l'on parle d'une première loi sociale qui aurait été la loi sur la réparation des accidents du travail en 1898, complétée en 1919 par la loi sur la réparation des maladies professionnelles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, ça a été une conquête sociale à l'époque, puisqu'il n'y avait aucune protection sociale à l'époque, hein, c'était bien avant les lois sur les assurances sociales, et donc c'était une conquête sociale d'être parvenu à faire en sorte que les ouvriers et les ouvrières victimes d'un accident du travail ou d'une maladie du travail puissent être indemnisés. Mais en même temps, c'est une loi qui a construit une certaine vision de fatalité des risques au travail. On parle de risques inhérents au travail, et là on bascule dans un système assurantiel, on échappe au droit commun, on part dans un système de responsabilité sans faute, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de culpabilité de l'employeur. On estime que l'employeur, qu'un accident survenu du fait et sur le lieu du travail est reconnu professionnel. Donc l'employeur va financer, mais c'est une réparation uniquement forfaitaire. Et pour la maladie professionnelle, c'est pareil. C'est une indemnisation extrêmement minime. Dans le cas d'un cancer du poumon, quand on est reconnu à 100% d'incapacité permanente partielle, on a pour le mieux le montant de ses derniers salaires en rente de maladie professionnelle. Ça ne répare pas un cancer. Ça ne répare pas un cancer dont on va mourir parfois. Donc il faut aussi remettre à niveau hein, ce que veut dire la reconnaissance en maladie professionnelle. Et cette histoire du basculement dans un système assurantiel, ça banalise en fait les risques. Et c'est un petit peu comme si on déclarait un dégât des eaux. En fait, on va déclarer une maladie ou un accident à son assurance maladie. Et les employeurs, eux, vont s'assurer contre le risque professionnel. Et on peut voir qu'ils vont mettre en place une ligne budgétaire hein, d'amortissement. Alors je reprends les mots d'un ministre de 1901, mais une phrase assez forte, où il disait « Après tout, on ne voit pas ce qui empêcherait les employeurs de mettre en place une ligne budgétaire d'amortissement du matériel humain tel qu'ils le faisaient pour l'amortissement des machines. » Il y a un côté aussi assez cynique. Là, en septembre 2017, je suis toujours en rémission, je suis toujours suivi de près par mon hématologue, et puis je suis reconnu en maladie professionnelle, j'ai intégré l'association Phytovictimes, je commence le travail avec eux début 2018, vraiment. Je me dis, qu'est-ce que je fais de plus ? Et dans mon enquête, parce qu'il faut faire une enquête hein, pour reconnu en maladie professionnelle, il faut travailler un peu le sujet, je m'étais aperçu comment en fait mes patrons ils avaient été aussi touchés par la maladie. Et du coup, j'avais un patron, cancer de la prostate, il n'avait pas supporté la chose et il s'était suicidé, hein, Jean Sauvage. Il y a aussi mon patron ou son fils qui a été un peu plus âgé que moi à l'époque, est décédé d'un cancer du sang lui aussi. Donc des gens qui sont touchés dans leur chair, et moi je me voyais pas en fait les attaquer après ça en fait. J'avais un peu de peine quoi pour tout ça, et je me disais ça rajoutait encore de l'huile sur le feu. Mais d'un autre côté, en tant que vice-président de l'association, je disais aux victimes des pesticides, je leur disais, mais il faut y aller à fond. Et du coup, c'était pas très cohérent avec ce que je faisais moi en perso. Et en 2019, je lance la procédure pour faute inexcusable. Donc là, j'attaque mes anciens employeurs pour faute inexcusable, c'est-à-dire que c'est de leur faute parce qu'ils m'ont pas fourni les EPI, hein, donc les équipements de protection individuelle nécessaires à l'usage des produits phytosanitaires. Et donc, ils sont responsables, là, clairement, de mon cancer. Alors, ça, c'est c'est la dernière étape, hein, en fait, de reconnaissance en maladie professionnelle et qui va vraiment au bout, quoi. Et c'est ça qui permet d'obtenir réparation d'un point de vue moral. Et quel est l'enjeu, au final, pour vous ? C'est d'être réparé financièrement ? Vous savez, si on faisait ça pour l'argent, ça serait quand même, parce qu'il y a un exemple très parlant, Paul François, qui était le premier président de l'association Phytovictimes, qui a attaqué Monsanto, 12 ans de procédure, il a gagné tous ses procès, appel, contre-appel, ça a été 12 ans de procédure, on va pas refaire l'histoire, il a tout gagné, tout le temps. Et en dommages et intérêts, pour tout, il réclamait 1 million d'euros. Et il a obtenu 10 000. C'est ridicule, c'est moins de 15, hein, je crois que c'est 12. Une paille pour Monsanto, hier, aujourd'hui, ils doivent rigoler. C'est comme si moi j'achète un café, quoi. C'est, c'est ridicule. Donc là, nous, clairement, on réclame 500 000 euros. Si je fais le rapprochement avec Paul, je sais pas, mais on n'obtiendra certainement pas grand-chose. Plus, si j'obtiens 500 000, je sais ce que j'en ferai. Mais vraiment, c'est pas pour l'argent, là. C'est vraiment. Là, il n'est même pas financier, l'enjeu est vraiment, vraiment moral, là, pour moi. Et en plus, on est des sentinelles. C'est comme pour l'amiante, en fait. Au début, c'était les ouvriers des usines qui étaient touchés, et ils ont commencé à se faire reconnaître, et donc, du coup, on a pu aller sur les victimes environnementales, les riverains. Et du coup, nous, on a ce combat-là, à l'association, en disant, on y va à fond sur les professionnels victimes des pesticides, parce que c'est des sentinelles, et c'est grâce à eux, à leur reconnaissance, qu'on va pouvoir l'obtenir aussi pour les riverains de ces champs, de ces fermes, des gens qui travaillent ou qui sont proches des usines de production de phytosanitaires ou des transporteurs, etc., etc. Enfin, il y a tout ce côté-là aussi qui est important. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut si on le fait pas, si les victimes, les professionnels des victimes le font pas, rien ne bougera. C'était Maladie professionnelle, l'épidémie silencieuse. Avec Anne Marchand, Julien Guillard, Henri Bastos, Patrice Girardier. Documentation Patricia Miura. Conseiller musical Antoine Villose. Mixage Manon Houssin. Attaché de production Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvan. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Anne de Belchin.